Vous êtes à l'écoute de Radio Campus FM. Campus FM. C'est des remarques en permanence. Tu vis avec. Oui, mais c'est pas bon. Mais quand t'es malheureux en couple, t'apprends à vivre avec, tu fais avec. Y'a rien de pire que de se retrouver tout seul. Moi, je vous le dis, si vous êtes pas très heureux en couple, serrez les dents. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Campus FM 94 FM à Toulouse ou sur le www.campusfm.net partout sur la planète. Nous sommes ensemble en plateau pendant une heure dans les studios de Campus FM pour une émission spéciale autour du Festival de théâtre universitaire Entre en scène. C'est François qui est à la réalisation technique de l'émission. Merci François. Et moi, Anna, j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'animer ma première émission sur les ondes de Campus FM. Le festival Entre en scène, ce sont quatre représentations de quatre spectacles à découvrir du 28 novembre au 1er décembre dans deux lieux différents à Toulouse. Babine par la compagnie Le Poum et La Fabrique des Lucioles par la compagnie Amphithéâtre sont à voir ou à revoir à la salle Le Cap à l'université Paul Sabatier. La fin diffuse des choses par la compagnie Tilde et Cédille ainsi que Patria Key, c'est comme ça qu'on dit. Oh yeah. Des sœurs fatales sont à découvrir à la fabrique de l'université Jean Jaurès. Dans la continuité de la semaine de l'étudiant qui a eu lieu au mois d'octobre, Entre en scène est un second rendez-vous dédié à la programmation des projets artistiques des étudiants dans le domaine théâtral. Alors, pourquoi le théâtre en particulier? Eh bien, je me permets de citer Philippe Rambaud, président de l'Université de Toulouse, Midi-Pyrénées, dans la présentation du festival qui dit « Parce que l'Université de Toulouse grouille d'initiatives en la matière auxquelles il importe de donner une visibilité particulière auprès des publics, étudiants ou pas. » Et pour en parler avec nous ce soir, je reçois Nina Jambrina de la compagnie Tilde et Cédille pour le spectacle Les fins diffuses des choses. Bonsoir Nina. Bonsoir. Joseph Burdin de la compagnie Le Poum pour le spectacle Babine. Oui, bonsoir. Accompagné de Yann Froin qui est lui chargé de projets culturels au département formation et vie étudiante à l'université. Bonsoir Yann. À l'Université fédérale de Toulouse. À l'Université fédérale avec une majuscule de Toulouse-Pyrénées. Bonsoir Yann. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation dans les studios de Campus FM. La radio, c'est aussi ça, c'est pas que de la musique, c'est... 94. C'est du sens. Donne du sens à ta prise de parole, ok Jean ? Campus. Campus. Campus. Campus. Alors, pourquoi l'Université de Toulouse et l'Université en France en général grouillent-elles d'initiatives théâtrales, comme le dit le président de l'Université, Yann Froin ? Bah, je sais pas si on peut répondre à ça. Hein. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de faire du théâtre à l'Université ? C'est à voir au cas par cas, notamment à travers les deux projets qui seront présentés aujourd'hui. Mais nous, ce qu'on peut observer, c'est que, effectivement, ça grouille de partout. Hein. Ça fait des années qu'on l'observe sous des formes très très diverses. Les étudiants ont besoin de pratiquer le théâtre, pratiquer la scène en général. Ils ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin de s'essayer au plateau, s'essayer à la confrontation avec des publics, les publics qui sont autour d'eux, hein, enfin les étudiants, mais aussi au-delà. Ils ont besoin de rencontrer des auteurs, des écrivains, contemporains ou pas. Ils ont besoin de s'essayer à l'écriture aussi, à la construction, de plus en plus aussi à l'organisation de projets culturels, organisation de festivals et autres. Ça, on l'a toujours observé. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de toute cette énergie? Comment on la canalise? Est-ce que c'est possible? Bon, voilà, le festival Entre en scène, il existe depuis... plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Il est parti de ce constat, quoi, qu'il y a des associations un peu partout, et dans les différents campus, surtout. Parce que Bon, à l'université Jean Jaurès, il y a un terrain, bon, évidemment favorable. C'est une université de lettres, de sciences humaines. Il y a toujours eu, enfin, depuis longtemps, il y a une salle de spectacle et un service culturel assez conséquent. Donc, c'est très propice à développer des favoriser des projets. Mais ça existe aussi, cette émulation-là, elle existe aussi ailleurs. Et donc, c'est l'intérêt, c'est de faire circuler tout ça. Alors, vous aviez une réponse envisageable il y a une fois en 2011. Je sais pas si vous vous souvenez. Vous dites une définition possible du métier de comédien consisterait à dire que c'est un travail pour se tenir debout, pour rester debout contre toutes les forces qui pèsent sur nos épaules, pour réapprendre l'effort accompli quand nous étions enfants, revivre la joie d'avoir nos deux pieds au sol. J'ai dit ça, moi. Ouais, vous avez écrit ça dans le programme de 2011. Mais 2011, c'est pas mal. Il y a de l'eau à couler sous les ponts. Non, mais c'est pas mal. Non, bah, c'est toujours d'actualité. Ouais, ouais. Se tenir debout, ouais. Nina, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous êtes venue au théâtre, pardon? Est-ce que c'est via l'université? Ouais. Moi, toute ma pratique théâtrale, elle s'est faite à l'université, dans les fameux départements d'études théâtrales. Moi, j'étais entre Paris et Toulouse. Et c'est là aussi où j'ai rencontré les moyens de pratiquer. Parce que c'est vrai qu'à l'université, les arts du spectacle, on les aborde pas mal depuis le point de vue théorique, l'histoire, la critique, l'esthétique. Et puis finalement, au-delà des quelques cours de pratique, on rencontre surtout des compagnons et des collègues pour monter des collectifs, des groupes. C'est vrai que c'est l'intérêt d'un lieu comme l'université. Joseph, vous m'aviez dit que vous veniez pas du théâtre, mais finalement... Je ne viens pas du théâtre. En fait, moi, j'ai commencé par le cirque à l'université. Ce qui est une forme de théâtre. Un art de la scène, en tout cas. Un art de la scène, oui, exactement. Et je fais du beatbox depuis très longtemps. Et c'est en rencontrant Emmanuel Roger, qui fait la mise en scène du spectacle Babine, que le spectacle a pris une dimension théâtrale, une ampleur théâtrale, avec l'apparition de textes. J'ai l'impression que c'est souvent des rencontres qui font naître des projets. Alors, enfin, ça a l'air complètement idiot ce que je dis, mais en tout cas dans les créations de compagnies théâtrales, il y a l'air d'avoir comme ça des rencontres à deux, à trois, et puis poum, les projets se font. Oui, Nina. C'est vrai que c'est souvent à la base d'une envie de spectacle ou de monter un texte, en fait une rencontre personnelle avec quelqu'un, une histoire aussi, voilà, de route ensemble au moment d'études ou de goût commun pour un texte, pour un auteur, pour une pratique. Dans notre cas, donc la compagnie Tilde et Cédille, c'est exactement ça. En fait, c'est la rencontre entre Gabriela Serban et donc moi, Nina Jambrina, toutes les deux étudiantes, doctorantes à l'université et amoureuses du même texte. On en parlera plus tard donc, dans le détail. C'est ça. Alors vous allez voir, moi j'adore les citations et j'en ai trouvé une dans la brochure de 2016. Donc ça c'était les 10 ans d'entre en scène. Sans doute l'université est-elle propice à l'éclosion des envies parce qu'elle est un espace d'apprentissage. Elle fait naître plus ou moins à son insu, en marge des enseignements, une nécessité d'apprendre autrement, un désir de faire et de parler dans une langue qui nous soit propre. Que faire dans la vie est une question. Qu'avez-vous à dire en est une autre. Alors, c'est quoi le apprendre autrement? Est-ce que Yann? Oui, tout le monde poursuit des études. Tout le monde n'est pas forcément au clair avec ce qu'il a envie de faire. Hein, parfois, enfin, on le voit bien. Il faut parfois tâtonner longtemps avant de trouver sa voie. Et donc, ça peut générer aussi beaucoup de doutes et d'incertitudes. Bon, parfois, c'est pas à l'intérieur du cursus ou de la formation qu'il y a des doutes, mais on les retrouve toujours à un moment ou à un autre. Et ça doit pousser, j'imagine, les gens à se regrouper pour se questionner hein, aussi sur le monde tel qu'il évolue. C'est parfois quand même très inquiétant tout ça. Et bon, y a une recherche de sens. Donc je pense que faire la scène, de manière générale, théâtre, cirque et autres, et pour d'autres, la page où écrire, la surface où dessiner, répondent à un besoin de sens. Ça prend beaucoup de temps et c'est une manière d'apprendre autrement, mais c'est une manière plus intuitive d'apprendre. Et je pense qu'il y a des gens, l'université est consciente, peut-être pas toujours consciente de ça, mais j'ai quand même l'impression qu'elle l'est de manière générale, quoi. Est-ce que les enseignants de théâtre, est-ce que ça peut être des enseignants de l'université, je sais pas, de philosophie, de sociologie, de... ou ce sont des gens différents? Moi, je me souviens très bien. Moi, j'ai fait philo, par exemple. Je me souviens très bien quand je suis arrivé au Mireille, il y avait une prof de philo, prof d'esthétique, qui est décédé il y a quelques années, Raymond Desbrocarasco, qui avait impulsé la création d'une troupe universitaire. Et le début de l'histoire était très précis, c'était monter des textes d'Artaud. Elle était totalement fascinée par Antonin Artaud. Beaucoup de ses enseignements étaient autour d'Artaud, du cinéma, des écrits de Deleuze. Et beaucoup d'étudiants étaient dans son sillage. Et voilà, une troupe avait vu le jour et ça a donné lieu à de très beaux spectacles. Est-ce que c'est votre métier aujourd'hui, Nina Jambrina, Joseph? C'est peut-être en voie, d'arriver à professionnaliser la compagnie en question. Mais pour l'instant, ça reste surtout du plaisir et de la rencontre avec notre compagnie. Joseph? Pour moi, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a fait un spectacle qu'on espère qu'il va plaire, qu'on espère qu'il va tourner. Mais on peut pas savoir comment les choses vont se passer, donc à suivre. Concrètement, là, je me tourne plus vers Yann Froin. Donc, vous êtes chargé de projets culturels au département formation et vie étudiante de l'université fédérale. De l'université fédérale. Alors, c'est vous qui choisissez les pièces, les spectacles qu'on va montrer dans le festival. Comment ça marche? Comment marche la fonctionne la programmation? La programmation. Ça peut se faire dans plusieurs sens. Là, sur l'acte 1, parce que le festival entre en scène a lieu deux fois dans l'année. L'acte 1 est au printemps. Au printemps. 2018, ouais. L'acte 1 est toujours plus réduit. C'est plus un préambule, l'annonce de quelque chose qui peut se développer pendant l'année. Il y a toujours moins de spectacles sur l'acte 1. Là, je suis très. Je vais vers les troupes. C'est vous qui allez vers les troupes. Ouais. C'est des projets. Il y a certains projets que je connais. Il y a des choses qui sont récurrentes. Il y a des associations qui existent depuis très longtemps. Voilà, ils créent quelque chose au printemps qui peut être repris à l'automne. Donc ça, c'est intéressant d'offrir une possibilité de reprise à un spectacle parce qu'on se préoccupe pas souvent de ça. Bon, le spectacle est créé au printemps et puis après les vacances passent et puis basta, on passe à autre chose. C'est un peu dommage. D'autant que le début de l'année il est intéressant pour montrer des choses parce que plein d'étudiants arrivent, ont besoin de voir ce qui se passe à l'université, de voir que d'autres étudiants produisent et c'est intéressant de il y a plein de choses à faire autour de ça. Donc je vais vers les gens. Il y a aussi la semaine de l'étudiant qui est un autre projet un projet assez conséquent organisé par la mission culture de l'université fédérale. Donne lieu à un appel à projet. Donc on va passer beaucoup de projets au printemps qui font l'objet d'une programmation dans différents lieux au mois d'octobre. Et donc là, c'est l'occasion. Bon, pour moi, c'est assez confortable. Je vois passer beaucoup de gens et j'ai le temps de voir comment évoluent ces projets. On les découvre au mois d'octobre et pouvoir proposer un plus en matière de diffusion, de rejouer le spectacle un mois et demi plus tard, C'est bien aussi pour les troupes, je trouve, de pouvoir... elles sont chaudes, elles ont montré quelque chose. Parfois, il y a de la frustration, parfois, il y a l'envie de refaire très vite. C'est bien que nous, on puisse proposer quelque chose. Alors, avant, ça s'appelait scène de rentrée. Ouais. Et c'était le midi et le soir, dans 6 lieux différents à Toulouse, pendant sur 2 semaines, avec une douzaine de troupes d'étudiants. Aujourd'hui, entre en scène, c'est plus condensé dans le temps, sur 2 jours, et dans l'espace, en 2 lieux. Pourquoi ce changement? C'est plus condensé sur cette période de l'année, mais c'est plus développé sur l'ensemble de l'année, puisqu'il y a une seconde session. Avec les deux actes. Oui, c'était né comme ça en 2006. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas évident d'organiser quelque chose à l'automne, parce que C'était trop tôt dans la... C'est trop tôt dans l'année, en fait. Voilà. Bon, il y a des projets qui sont solides et qui peuvent se rejouer très vite. Bon, là, j'en parlais tout à l'heure. Mais ils sont pas si nombreux que ça. C'est pour ça que c'est bien de pas trop se disperser sur le début de l'année, de vraiment miser sur ces énergies là qui sont et puis après de plutôt travailler sur le printemps. Enfin, c'est quand même le rythme assez normal d'évolution d'un projet, de naître à l'automne et puis de mais c'est bien de aussi d'avoir deux projets dans l'année. C'est bien, ouais. Merci à tous les trois. Je vous propose une courte pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour continuer de parler théâtre et art de la scène en général. On écoute Agnès Abel avec le morceau Riverside. Il est sorti en 2010 sur l'album Philharmonix. C'est pas interdit de réfléchir non plus quand on fait de la radio. Alors le côté je viens, je passe des disques et tout, c'est bien, mais t'es pas dans ta chambre. Campus FM. Alors avant ce magnifique jingle, on écoutait Riverside par Agnès Abel sur Campus FM. De retour dans les studios de Campus FM, on est toujours en compagnie de Yann Froin, Nina Jambrina de la compagnie Tilde et Cédille et Joseph Burdin de la compagnie Le Poum à l'occasion du festival Entre en scène. Alors vous aimez bien le tiré entre « en » et « tre » Yann ? Ouais. Ouais. Ok. Donc pour l'entrée c'est en scène et à la fois... Oui, bah non, je ne sais pas d'ailleurs. Ouais. C'est un piège. Donc ça fait référence à la couverture de... Enfin oui, la signature du festival, signature graphique du festival. Ah, c'est une histoire de graphisme en fait, c'est pas de signification. C'était censé représenter le gradin, voilà, entre en scène. Il y a un effet d'escalier qui peut évoquer le gradin. Si, si, ça fonctionne. Ça fonctionne. Tant mieux, parce que c'est imprimé. Il faut se procurer le programme, chers auditeurs. Et donc, nous sommes aussi en compagnie de Joseph Burdin, de la compagnie Le Poum. Ça veut dire quoi, Le Poum ? Je n'ai pas trouvé. Le Poum, ça veut rien dire, en fait. Poum, poum, tchak. Poum, poum, tchak, oui, ça peut faire penser à ça. Mais c'est Emmanuel Roger qui a trouvé ce nom. Il voulait un nom percussif. Percutant, dont on se souvient. Du coup, parce que vous mettez des points. Oui, c'est vrai qu'il y a les points qui ne seront pas toujours, ça dépend. C'est aussi fois. Pour la percussion, le rythme. Oui. D'accord. Bon, j'arrête avec mes trucs visuels. Alors, vous l'avez dit en début d'émission, donc c'est une rencontre récente entre un beatboxer circassien, vous, Joseph Burdin, et un metteur en scène, Emmanuel Roger. Il y a un Z, mais on ne le prononce pas. Et dans le cadre de Entre en scène, donc vous proposez un solo, Babine, qui vise, je cite encore, l'émergence d'une intelligence émotionnelle au sein d'un discours intellectuel. Alors, je ne sais pas si vous avez écrit ça, mais il va falloir nous expliquer. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais on l'a écrit à deux avec Emmanuel. Et en fait, on déforme le langage petit à petit pour faire apparaître le beatbox et pour lui donner une place pour le rendre vivant. C'est ça qu'on a appelé langage émotionnel, donc plutôt quelque chose de musical et quelque chose qui abandonne un peu la raison, qui abandonne le domaine intellectuel et qui devient un peu impalpable. Et Babine, c'est le prénom du personnage. Babine, c'est l'univers qu'on crée. Babine, c'est la bouche des animaux, Babine, ça peut être le personnage, oui. Et donc il parle tout seul sur scène, donc c'est vous, Joseph ? Oui, donc c'est moi. Et il y a un parapluie à la main, donc quelle est la symbolique du parapluie ? Parce qu'apparemment il n'y a que le parapluie. Alors, je vais revenir un peu Revenez. En arrière. Au début, en fait, le spectacle, il est né parce que moi, j'avais un petit solo d'une dizaine de minutes où je faisais du beatbox et du jonglage. Donc c'était très cirque. Et Emmanuel faisait de la programmation. Il m'a programmé, il m'a proposé de travailler quelques heures avec lui avant de jouer pour son événement, ce qu'on a fait. Ça s'est plutôt bien passé. Et on a décidé de continuer ce travail. Donc ça, c'était il y a à peu près un an. Et vous avez où alors vous jouiez donc à l'université. Voilà. Toujours. Au Mirail. Et du coup, depuis, on travaille sur cette apparition du beatbox, ces balles qui sont restées, mais qu'on essaie de rendre vivantes, qui ne sont pas que des balles de jonglage, qui servent à d'autres choses. Et je ne sais pas pourquoi, mais on avait envie de travailler aussi avec un parapluie. C'est pour revenir sur le parapluie. Je trouvais que ça allait bien avec ces balles qui tombaient, le parapluie. Il n'y a pas vraiment d'explication, c'est plus poétique qu'autre chose. Et du coup, exactement comme le langage, le parapluie, il est déformé petit à petit. Et il perd son identité de parapluie et il vient me déformer moi aussi, il vient déformer mon corps. C'est un peu plastique, poétique. Il faut voir le spectacle. Hein. Il faut voir le spectacle. C'est pas facile de l'écrire. Alors, il y a des tics, des humes, des accents louches, des pans, des raclements, des becs, du chewing-gum, des cris d'oiseaux, des bruits lointains qui se font de plus en plus présents et qui mangent la pensée. C'est ce que vous dites, il les assemble, Babine, et quelque chose de nouveau apparaît. Est-ce que, donc Joseph Burdin, vous êtes beatmaker, les textes sont de vous ? Beatboxer. Beatboxer, quelle est la différence ? Un beatmaker, c'est quelqu'un généralement qui fait la production musicale pour des rappeurs ou des choses comme ça. Lui, du coup, il a une console, donc il utilise des instruments techniques, on va dire. Alors que moi, c'est avec la bouche, beatbox. Voilà, human beatbox. Est-ce que vous pouvez nous faire quelques sons oui, de bien beatboxing bien sur Campus FM, tout de suite maintenant? Oui, tout de suite maintenant. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b ça c'est voilà. impressionnant. Ça c'est pas dans Babine. Ça c'est dans Babine, mais du coup ça arrive pas tel quel. C'est par le langage que ça arrive, avec par exemple le bégaiement, où le personnage il échoue face à des défis, des choses comme ça qui le mettent dans une situation un peu délicate. Et il dit des mots, Babine. Il dit des mots, bien sûr, il y a du texte. Et du coup, ce texte vient à être mal dit, on va dire. Et des bégaiements arrivent. Et de plus en plus, ces bégaiements, finalement, se transforment en beatbox. Et voilà. Est-ce qu'il y a de la musique aussi dans Babine? À part le beatbox, non. Enfin, qui peut être considéré comme de la musique. Il n'y a pas de musique pré-enregistrée. Enfin, il y a du beatbox pré-enregistré et de la parole pré-enregistrée, mais c'est tout... C'est nous qui avons tout fait, quoi. Il n'y a pas de... Voilà. Alors, vous dites aussi que c'est un spectacle qui a une impulsion politique, avec l'apparition d'expressions obscènes dans la bouche d'une nouvelle amie Babine. Mmh. Alors, en quoi Babine est politique? C'est ma première question. Et puis, évidemment, l'apparition d'expressions obscènes dans la bouche. Alors, les expressions obscènes, c'est... comment dire? C'est plutôt de... Comme ça vient de la bouche, c'est Emmanuel Roger. En parlant, on s'est rendu compte qu'il y avait un peu quelque chose obscène, peut-être le mot est un peu fort, mais avec le beatbox, avec cette bouche qui est dans quelque chose de rapide, il y a quelque chose d'un peu obscène, de un peu peut-être dérangeant. Et c'est pour ça aussi qu'on a appelé... Sans pudeur, quoi. Sans pudeur. C'est pour ça aussi qu'on a appelé ça Babine, parce que c'est proche de l'animal, et il y a quelque chose un peu comme ça de obscène, sauvage. C'est le mot que vous avez utilisé. Hein. C'est le mot qu'on a utilisé, oui. C'est pas moi. Et alors politique, pourquoi il est politique ce spectacle? Comme tous les spectacles, j'ai l'impression. Oui, tous les... Ça, je pense qu'en soi, c'est un spectacle et politique, mais... je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Vous m'avez bien piégé, parce que ça, c'est Emmanuel qui a écrit ça. Eh bien oui, mais bon. Moi, je suis journaliste, hein, je reprends les dossiers de presse plutôt très bien faits. Eh bien, vous allez là où ça fait mal. On va passer à autre chose. Vous avez déjà joué la pièce dans la semaine de l'étudiant à l'INSA. Oui. Comment ça s'est passé? Spectacle a été reçu? Ça s'est bien passé, on a eu pas mal de retours, et nous derrière on a retravaillé, on sort d'une semaine de résidence. C'était ma question, ouais. Ouais, ça, ouais. Ça change en fonction de la perception des spectateurs. Ça change beaucoup, oui. Ça a beaucoup changé depuis la première fois qu'on l'a joué. Là on sort d'une semaine de résidence, le spectacle... Non, pas à l'université, malheureusement. Le spectacle continue à grandir, à s'étoffer, à se préciser, à évoluer. Ça, c'est chouette comme travail aussi. Oui, oui, absolument. Donc, le Babine par le Poum, c'est mardi 28 novembre à 20h30 à la salle Le Cap. C'est oui, bien ça. C'est ça. Merci Joseph, nous allons faire une nouvelle pause musicale avec le morceau Music is my husband par Marc Moulin. Music is my husband, the rhythm is my lover. Music is my husband, suits me like no other. Music is my husband, the rhythm is my lover. Rhythm just like James Bond is working on the cover. We'll be right back. is working on the cover. Music is my husband, rhythm is my lover. Tu écoutes Campus FM, puisque tu es auditeur régulier, hein. Est-ce que tu as l'impression d'avoir affaire à une radio un petit peu qui bricole, ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a des professionnels à l'antenne? 94 MHz. Bonsoir, monsieur. Il y a de la joie. Il y a de la joie, merci. www.campusfm.fr. Et on écoutait le morceau Music is My Husband par Marc Moulin, sorti en 2007 sur l'album I Am You. Et on est toujours sur Campus FM pour parler théâtre et art de la scène à l'occasion de Entre en scène qui a lieu à Toulouse du 28 novembre au 1er décembre à la salle Le Cap et à la Fabrique avec mes trois invités Yann Froin, Joseph Burdin et Nina Jambrina. Yann Froin, je ne vous ai pas demandé pourquoi vous aviez choisi le spectacle Babine. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a des projets qu'on découvre lors de la semaine de l'étudiant, une précédente manifestation. C'était le cas. Donc, effectivement, le spectacle a été programmé, comme Tilde s'est dit, lors de la semaine de l'étudiant. Après, au moment où je fais la programmation d'entrée en scène, j'ai pas vu les spectacles puisque la semaine de l'étudiant avait lieu un petit peu après. On sent des choses quand on rencontre les gens, voilà. Ça peut arriver qu'on se trompe, hein, parce que c'est très intuitif. Et puis lorsqu'on parle d'un projet qui n'est pas encore né, ce qui est le cas, hein, la plupart du temps, on ne sait pas ni nous ni les acteurs eux-mêmes vers quoi ça va. Donc ça peut évoluer beaucoup. Mais on sent qu'il y a une ambition, on sent qu'il y a un propos, on sent qu'il y a une envie de faire aussi très forte. Et on se dit il faut pouvoir proposer quelque chose assez rapidement après la création. Enfin, je ne sais pas si vous considériez qu'à la semaine d'étudiants, c'était la création, parce que vous aviez peut-être déjà joué à un petit peu avant. Joseph ? On avait joué deux fois, oui. Deux fois, mais en public assez restreint, à des amis, pour montrer un peu, voilà. Pour avoir des retours constructifs. Nous, on avait le sentiment, en tout cas, que lors de la semaine d'étudiants, c'était vraiment la première, la vraie première devant un public. Et bon, voilà. Je me dis, c'est une chance de pouvoir... rejouer rapidement dans ces conditions-là. Puis après, il en sort ce qu'il en sort. Hein, les projets évoluent différemment. On verra le 28 novembre. Alors, un signe de l'espagnol, le tilde, un signe du français, la cédille. C'est ainsi que la compagnie Tilde et Cédille a commencé son voyage artistique et littéraire entre la France et l'Amérique du Sud, avec la vocation de faire découvrir des œuvres théâtrales contemporaines d'Amérique du Sud en les traduisant et en les adaptant pour la scène. La compagnie Tilde et Cédille choisit des textes méconnus du public français, je cite encore, selon ses goûts, ses coups de foudre, ses caprices. La fin diffuse des choses, présentée dans le cadre d'Entre en scène, plonge le spectateur au cœur des questionnements de l'individu et de ses névroses. Quels sont vos coups de foudre et vos caprices, Nina Jambrina? C'est vrai qu'ils sont très souvent latino-américains. Et je crois que je peux dire ça aussi pour Gabriella, puisque toutes les deux, comme j'en parlais un petit peu tout à l'heure, on est des chercheuses, des jeunes chercheuses sur le théâtre latino-américain. Donc à travers cette activité-là, on lit, on découvre des auteurs, on les rencontre aussi quand on va voyager là-bas. Et c'est vrai que Les fins diffuses des choses de Carlos Enrique Lozano, c'est un texte qu'on avait croisé dans notre parcours chacune, de notre côté individuellement. Et c'est une fois qu'on s'est retrouvées à être toutes les deux doctorantes au Mirail qu'on a fait le lien et qu'on s'est dit, bon, il faut vraiment qu'on monte ce texte. Voilà, qui est quand même très, très peu connu ici, qui nous semblait valoir le coup. Alors, attendez, vous avez répondu à plein de questions en même temps, je suis perdue. Si vous êtes perdue, je peux dire une petite chose. Yann, merci beaucoup. Oui, non, c'est aussi une manière de répondre à la question d'avant, pourquoi programmer certains projets qu'on, par exemple, on ne les connaît pas. Ça, par exemple, moi, je trouve ça très important. Les étudiants ou doctorants qui font découvrir un public, un auteur qui n'est pas connu ou peu connu, en tout cas qui n'est pas édité en France. Ouais, ça, c'est très important. L'idée, en plus, là, ça a été de le traduire, de faire toutes les étapes, quoi, d'une certaine manière de traduire, puis de mettre en scène. Et si on pousse encore plus loin, nous, en tant que chercheuses, pouvoir communiquer dessus, faire des journées d'études, des colloques, des activités un peu plus scientifiques autour de ce texte. Donc, c'est vrai que c'est un projet assez global. Et alors, c'est quoi être chercheuse doctorante en France ? C'est sur la littérature. C'est dans le domaine soit des arts du spectacle, soit de l'espagnol, justement. Et toutes les deux, ben, on est chacune dans l'un et dans l'autre. Et du coup, notamment moi, hein, docteur maintenant, en art du spectacle, ça veut dire qu'on peut travailler sur les textes, sur la mise en scène, sur l'histoire du théâtre. Est-ce que ce texte original a été écrit pour le théâtre ? Oui. Ouais, ouais, c'est une pièce de théâtre contemporain écrite en 2006 écrite par un dramaturge, justement, qui se consacre complètement au théâtre puisqu'il est aussi un praticien. C'est-à-dire, il joue, il met en scène et il est vraiment au contact de la scène. C'est un comédien aussi ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que l'adaptation sur scène d'un texte étranger est particulier par rapport à un texte français ou une création ? Ben, nous, on a un petit peu triché dans le sens où on a pris un texte qu'on trouvait particulièrement universel dans ses questionnements. Puisque comme tu vous le disiez, voilà, il y a des thématiques qui traversent comme la difficulté de la communication au sein des relations amoureuses, familiales, la solitude, le besoin de reconnaissance, donc bon, des choses qu'on connaît a priori un petit peu partout. Et en même temps, ce qui était intéressant, c'est de faire passer l'ancrage colombien qu'il y a quand même dans ce texte entre les lignes, à travers voilà, des questions plus générales et qui peuvent toucher un petit peu tout le monde. Quand vous dites tricher, alors vous avez fait quoi ? Ben dans le sens qu'on a pris un texte qui était en partie qui était colombien, mais qui arrivait à parler à des publics d'un peu partout. C'est oui, ça fait partie c'est de l'adaptation. C'est, voilà, c'est le choix qu'on a fait. Alors, il y a trois personnages qui s'appellent elle, lui, l'autre, ouais. Et la mère. Ça en fait quatre. Oui, en fait, il y en a cinq. Il y en a cinq. Et vous, la narratrice ? Oui, voilà. Alors, racontez. Alors, vous allez raconter mieux que moi. Je vais refaire la distribution. En effet, on commence par elle, qui est le personnage principal. Il y a lui, qui est son fiancé officiel. Il y a aussi l'autre, qui est son amant. Il y a la mère et il y a La mère d'elle, ouais. Et l'homme âgé qui est un espèce de complice, d'alter ego, comme ça, qui va l'accompagner. Et du coup, ces personnages, ces trois premiers personnages, lui, l'autre et la mère, vont tout au long de la pièce essayer de percer le mystère de elle, de comprendre si elle est juste indépendante ou complètement égoïste, si elle est plutôt calme ou en fait profondément dépassionnée. Et au final, ils vont pas vraiment réussir à la rentrer dans une de ces catégories. Et nous non plus, en tant que spectateurs, l'intérêt aussi de cette pièce, c'est d'arriver à rester dans des interprétations multiples. Et donc vous avez le rôle de l'homme âgé. Alors ça fait partie. Bon, on essaye de tisser du sens et on y arrive, mais ça fait partie des aléas de la création, dans le sens où on avait une équipe à la base avec un autre acteur. Et les choses se faisant, j'ai dû le remplacer. Et donc, on a travaillé aussi au niveau dramaturgique à faire du sens pour que cet homme âgé soit une femme, bon, plutôt jeune. Et du coup, on a vraiment converti ce personnage d'homme âgé qui était plutôt un père, pour elle, en un alter ego, en une espèce de jumelle. De elle. C'est oui. Intéressant. Et donc, vous êtes extérieur au spectacle ? Alors, non, je suis dans le spectacle et dans les dialogues. Sauf que je suis dans un dialogue très narratif, où je vais raconter ce qui se passe, je vais commenter, sans moi-même appartenir à la petite fiction des autres personnages, qui eux sont, disons, un peu moins perméables aux spectateurs. Moi, je suis une espèce d'intermédiaire entre les spectateurs et la fiction qu'on voit se développer sur la scène. Est-ce que vous pourriez nous dire un extrait oui, de alors, votre personnage homme ouais, vieux homme âgé. Du coup, vous avez le privilège d'écouter le début, le tout début de la pièce. La mère sait qu'à présent, elle a assez vécu. Elle ne veut pas en finir avec la vie, mais elle a conscience que si la mort arrivait subitement, ça ne serait pas une surprise désagréable. La mère pense que son devoir sur Terre est terminé. Elle pense que chacun vient sur Terre avec une tâche à accomplir, que chacun a une raison d'être là. Sa raison d'être a été d'accoucher d'elle, sa fille, et ensuite de l'élever. Son mari voulait d'autres enfants, mais heureusement, elle a su comment éviter ça. Merci Nina. Alors la musique est très importante dans votre spectacle, La fin diffuse des choses. Elle est composée spécialement par Pierre-Louis Froger. Elle a été pensée, vous dites, dans une optique de construction des personnages. Alors ici, on entend la mer. Ici, c'est le personnage lui. Et enfin, là, c'est le personnage de l'autre, l'amant, donc. On sent bien que l'amant, il est un peu coquin taquin là, ouais, avec ce son. C'est le jazz. Alors comment ça fonctionne? Comment les sons s'accordent au texte des différents personnages? Est-ce que chaque fois qu'un personnage parle, il y a la musique correspondante qui est dessous? La musique, elle sert souvent à les introduire, ces personnages, à poser une ambiance. La mère apparaît la première, avec justement le texte que je vous ai dit, sur fond de la première musique qu'on a écoutée. Et donc au fil des scènes, quand les personnages apparaissent, il y a comme un dialogue entre moi qui les présente et une musique qui vient aussi plus sensiblement les. Qu'est-ce que ça apporte à la pièce? Est-ce que c'est parce qu'on peut, on risque de mélanger les personnages et on a besoin de cette musique? Ouais, en effet, il faut dire que la pièce, elle a quand même une certaine complexité formelle où on a, comme je vous disais, ma parole qui est assez narrative, qui est assez descriptive, alors que bon, on est normalement dans du théâtre. Il y a des didascalies qui viennent se mêler au dialogue plus traditionnel. Rappelez-nous ce que sont les didascalies. Les didascalies, c'est les indications scéniques. C'est par exemple, elle entre par la porte. Sauf que dans cette pièce, c'est moi qui dis, elle entre par la porte. Donc il y a de quoi perturber les spectateurs. Et c'est vrai qu'on a voulu, autant au niveau de la mise en scène et de la scénographie, que de la musique, aider aussi à avoir des repères sur dans quel univers on se trouve. Après, c'est aussi une pièce qui est composée de 7 scènes, et chaque scène est un peu l'univers de chaque personnage qui vient à la fin à se finalement rassembler. Alors, vous avez déjà joué cette pièce à Strasbourg, en mars? Oui, ça a été l'espèce d'avant-première, justement dans un cadre universitaire, un colloque, où il était question de la famille contemporaine. Voilà. Et puis à Toulouse, alors à l'occasion de la semaine de l'étudiant aussi, et à la Brique Rouge pour le festival Le Cumbia début novembre. Comment ça s'est passé? Je vais poser la même question que j'ai posée à Joseph. Est-ce que vous avez modifié votre spectacle depuis? Oui, la première, donc qui date de février, était un tout premier essai dans ce cadre universitaire. On a eu quelques mois et donc ces belles occasions, autant de la semaine de l'étudiant qu'entre en scène, pour vraiment essayer de dynamiser la mise en scène, de revoir certains moments qui nous paraissaient peu compréhensibles. Donc les choses évoluent, oui, d'un spectacle et d'une représentation à l'autre. Après, voilà, comme le disait Yann, le fait d'avoir plusieurs dates pour une compagnie comme nous qui rentre quand même dans le cadre amateur, c'est très précieux. C'est un spectacle qui dure combien de temps? 1h10. Joseph, le vôtre et Babine, ça dure? Ça dure 40 minutes. Alors, la fin diffuse des choses est à découvrir le 30 novembre à 20h à La Fabrique. Donc la traduction est signée de Nina Jambrina avec Justine. Ouais, Justine Duval. Alors la mise en scène est de Gabriella Serban et les acteurs, ils sont nombreux. Ouais. Alors, pour pas faire d'erreur au niveau des prononciations, sur scène, il y a donc Gabriella qui met en scène et qui joue. Il y a moi, Nina Jambrina. Nina Jambrina. Et il y a donc Véronique Coronel, Raji Elsmari et Ludovic Lorosal. Et la scénographie est de Martin Ringo-Gauthier, la Barthès, et donc le famille Pierre-Louis Froger a composé la musique. Yann, vous avez un mot sur ce travail en particulier d'adaptation? Je vais le découvrir. Vous l'avez pas vu? Non. Et non, il y a plein de choses pendant la semaine de l'étudiant. J'ai pas pu venir à la première à Chapou. Peut-être que ça a motivé aussi le fait de le reprogrammer. Merci Nina Jombrina, merci. Partons maintenant en Colombie avec le groupe Monsieur Periné et leur morceau Tu m'as promis. Tu m'as promis une chanson pour marcher sur la lune, sur la montagne. Tu m'as promis une chanson pour danser sous la pluie, sur la pointe des pieds. Une chanson qui m'accompagne pour jamais te quitter. Une chanson pour ne pas t'oublier. Tu m'as promis une chanson pour flotter sur la mer. J'ai été faire des grèves, alors, c'était toujours très important parce que s'exprimer, on est dans un pays qui est. Thomas, il y a le suffrage universel. Tu m'entends? Attends, je te coupe juste deux secondes. Ouais. Alors. Radio Campus Toulouse 94 FM. On écoutait le morceau Tu m'as promis, c'est par le groupe colombien Monsieur Periné sur l'album Caja de Musica, Caja, parce qu'en colombien, des fois, je sais, c'est la Jota ou le Yeux-Jeu. Il est sorti en juin 2015 sur le label Columbia Records. Et on est toujours en compagnie de Joseph Burdin, Nina Jambrina et Yann Froin à l'occasion de Entre en scène. Alors, l'acte 1 de Entre en scène, il y a deux autres propositions qui sont à découvrir. La Fabrique des Lucioles par la compagnie Amphithéâtre. Et Patriarchy, j'arrive vraiment pas en anglais, par la compagnie Les Sœurs Fatales. La Fabrique des Lucioles est une lecture théâtralisée et chorégraphiée par l'association Amphithéâtre, qui est une vieille association, Yann. Oui, c'est assez différent. Je mets guillemets. Des petits jeunes. Non, mais c'est ça illustre ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a il y a un petit peu de tout, enfin dans les histoires des uns et des autres, il y a des projets qui, enfin des compagnies ou des associations, des collectifs qui viennent de naître et qui parfois d'ailleurs vont n'existeront que le temps d'un projet, même si le projet peut lui-même durer assez longtemps. Mais et puis il y a des logiques un peu différentes qui sont associatives. Là c'est le cas. Amphithéâtre, c'est une association qui existe depuis plus de 20 ans à Sciences Po. Et c'est un atelier, c'est même plusieurs ateliers de théâtre qui se font pendant toute l'année sous la direction de, alors pour une part Julie Pichavant, qui est une comédienne professionnelle qui travaille dans différentes compagnies, dans différents spectacles, et qui anime le volet création. Ensuite, il y a un autre atelier autour de l'impro. Voilà, ça, c'est les activités courantes de l'association Amphithéâtre, qui est ouverte. Je pense qu'ils sont une cinquantaine. Enfin, hein, ils sont nombreux. Bah, c'est vraiment un peu de la même manière les Sœurs Fatales. Je pense qu'ils sont moins nombreux, mais ça fonctionne aussi comme une association qui est là depuis longtemps et qui promeut le théâtre en anglais. Sur la base de textes qui sont, la plupart du temps, traduits, édités dans les collections PUM, Presse Universitaire du Midi, et créés à l'occasion d'un festival qui s'appelle Universcène, qui n'est pas entre en scène, mais qui est un festival entièrement dédié au théâtre en langue étrangère. Alors on va écouter un très court extrait de ce spectacle, pour Patriarchy. Boss. Going to beat you. President? Did he tell you? I don't love him. No? What does that amount to? Will he clothe you? Will he feed you? Will he pay the bill? No, but it's real justice. Let's go. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway. I feel like a piece of meat that keeps on living. Let go. Just let go. Let go. I won't submit. I won't submit. Alors c'est un spectacle autour des questions du corps à l'épreuve des violences invisibles faites aux femmes. On l'a pas forcément compris en écoutant cette capsule si on n'est pas bilingue. Et à l'issue de la représentation du 1er décembre à la Fabrique, il y aura une rencontre avec plusieurs associations de la Marche mondiale des femmes, Oser le féministe 31 et l'équipe de Patriarchy. Ouais, il y aura une rencontre bord de Seine, quoi, comme on dit maintenant. Oui, ça c'est une volonté très forte de la compagnie depuis le début, que le spectacle soit l'occasion d'une rencontre, d'une discussion un peu plus large sur la question des violences faites aux femmes. Il y a même des scènes qui peuvent heurter la sensibilité, je préviens. Alors ces quatre spectacles ne traitent pas de sujets drôles, bien au contraire. Est-ce que c'est aussi cela le théâtre contemporain? On en parlait un tout petit peu en début d'émission. Est-ce qu'il doit être politique, il doit être engagé, militant, dénonciateur? Nina, je crois que vous voulez dire quelque chose. Non, vous passez le micro à Joseph. Non, c'est vrai que dans le cas des fins diffuses des choses, la dimension politique critique, elle n'est pas très évidente. C'est plutôt depuis l'individu, la subjectivité, les relations quotidiennes et intimes qu'on peut peut-être voir des rapports de pouvoir et voir depuis là des relations qui sont dans la société plus largement, mais il n'y a pas en tout cas de dimension critique et politique d'abord. Ah oui, Joseph, on va pas reposer la question de la politique. Est-ce qu'on fait du théâtre pour soi d'abord ou pour les autres, ou les deux, en l'occurrence le public, les spectateurs? Ça s'appelle un blanc de radio. Un an, j'ai passé. Ouais, souvenez-vous du film Le goût des autres d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, sorti en 2000. Arrêtons un moment. La pompe de ces lieux, je le vois bien, Arzas, est nouvelle à tes yeux. Souvent, ce cabinet superbe et solitaire, des secrets de Titus est le dépositaire. Oh putain, c'est en verre. Ils sont affreux, ces costumes. Yann, vous vouliez répondre à la question? Mais c'était avant l'extrait. Ah, vous nous piégez. Non, ce que je voulais dire, c'est que le... Ah, mais je me rappelle même pas de ce que je voulais dire. Non, c'était la question de est-ce qu'on fait pour soi? Qu'on fait du théâtre pour soi ou pour le public? J'espère qu'on fait pour le public, quand même. Vous faites du théâtre? Toujours? Non. Non, mais j'espère qu'on fait. Bah, je pense que la réponse s'impose. Parce qu'on peut, on peut s'ennuyer au théâtre. C'est une vraie question d'ailleurs. Augustin Travenard, pardon, en parlait ce matin dans Boomerang quand je préparais cette émission avec son invité Jean-Michel Ribes. Et il parlait de l'ennui au théâtre, mais sans que ce soit un problème de parler de l'ennui au théâtre. Mais ce qui va être l'ennui pour un spectateur, ce serait peut-être pas de l'ennui pour un autre. Je pense qu'il faut raisonner en spectateur, en pluriel, quoi, en individu. On disait tout à l'heure, la notion de public, moi, je l'aime pas trop. Je trouve que c'est trop général. Donc dire que le public s'ennuie au théâtre, par exemple, ça n'a aucun sens. Je pense. Voilà, il y a des spectateurs, il y a des individus, et puis bon, il y a des gens qui ont aimé un spectacle, et des gens qui ont pas aimé. Non, mais l'ennui, c'est pas aimer ne pas aimer. C'est aussi, je sais pas, ça peut être un moment de souffler, de. Bon, c'est un peu négatif quand même l'ennui, non? Je sais pas, ou même dans un c'est négatif, la tête de Joseph. Ah ouais, c'est super négatif l'ennui. Je sais pas, dans un film qui dure une heure, à un moment, on peut être super captivé, et puis ou même s'endormir et ça. Joseph. Oui, moi ça me fait penser aux films par exemple de Jim Jarmusch, qui sont des films assez lents. Voilà. Et mais je pense pas que ça soit réellement de l'ennui. C'est des moments en fait qui sont peut-être un peu longs où le temps est étiré, mais qui sont empreints de poésie et où du coup on prend le temps de contempler les images, on prend le temps d'être avec le film, on prend le temps de ces choses qui ne passent pas très vite. Et c'est des moments agréables. Moi, j'aime beaucoup le cinéma de Jim Jarmusch, mais je mettrai pas le mot ennui dessus, en tout cas. Oui, ça peut correspondre à ça. Nina. Nous, dans notre pièce, c'est plutôt les personnages qui s'ennuient un peu dans leur vie. Mais j'espère que les spectateurs ne s'ennuient pas. Se quitter, merci infiniment Yann Frouin, Nina Jambrina et Joseph Burdin d'être venus faire un tour dans les studios de Campus FM. Merci à vous. Pardon. Alors je rappelle encore une fois que le festival entre en scène donc commence le 28 novembre pour se finir le 1er décembre. Ce sont 4 représentations de 4 spectacles dans 2 lieux différents à Toulouse. Babine, La Fabrique des Lucioles, La Fin Diffuse des Choses et Patria Key. Alors c'est gratuit mais il faut réserver sur le site www.univ-toulouse.fr/entre-en-scène. Et alors, si on n'est pas étudiant, comment ça se passe? C'est ouvert pour tout le monde. C'est gratuit pour tout le monde. Il y a possibilité de réserver. C'est pas obligé de réserver. Bon. Donc on peut. C'est possible de le faire, voilà. Mais il faut pas. C'est pas obligatoire. C'est gratuit. Tout le monde peut y aller. Exactement. D'accord. Merci vraiment à vous trois et merci à François à la réalisation technique de l'émission. Merci. Et moi je vous donne rendez-vous pour ma part le 30 novembre à 18h en direct sur Campus FM pour un nouveau rendez-vous culturel avec des invités, des chroniques et de la musique. On se quitte avec le morceau Shalom par le groupe Cliché, décontracté dans le gazon. On écoute des 45 tours. Restez branchés sur les ondes de Campus FM.